Chapitre 6e. La première partie de leur voyage se passa dans une disposition mélancolique qui leur convenait trop bien pour être un sentiment pénible. Mais en avançant dans la contrée qu'elles devaient habiter, un intérêt, une curiosité bien naturelle surmonta leur tristesse, et la vue de la charmante vallée de Barton la changea presque en gaieté. C'est un pays cultivé, agréable, bien boisé et riche en beaux pâturages. Après l'avoir traversée pendant un mille, elles arrivèrent à leur maison. Une petite cour gazonnée la séparait du chemin. Une jolie porte à claire-voie en fermait l'entrée. La maison, à laquelle Sir George avait donné le nom trop modeste de chaumière, n'était ni grande ni ornée, mais commode et bien arrangée. Le bâtiment régulier, le toit point couvert en chaume, mais en belle ardoise. Les contrevents n'étaient pas peints en verre, ni les murailles couvertes de chèvrefeuilles. Elle avait l'air plutôt d'une jolie ferme ou petite maison de campagne. Une allée au rez-de-chaussée traversait la maison et conduisait de la cour au jardin. De chaque côté de l'entrée, il y avait deux chambres environ de 16 pieds en carré, et derrière se trouvaient la cuisine et les escaliers. 4 chambres à coucher et 2 cabinets dans le haut formaient le reste de la maison. Elle était bâtie depuis peu d'années et très propre. En comparaison de l'immense château de Norland, c'était sans doute une chétive demeure. Mais si ce souvenir fit couler quelques larmes, elles furent bientôt séchées. En entrant dans la maison, chacune d'elles s'efforça de paraître heureuse et contente, et bientôt elles le furent en effet. La joie avec laquelle leurs bons domestiques les reçurent, en les félicitant de leur heureuse arrivée dans cette jolie habitation, dont ils étaient enchantés, se communiqua à leur cœur. Au grand château de Norland, ils étaient confondus dans le nombre des serviteurs. Dans cette petite maison, plus rapprochés de leur maîtresse, ils devenaient presque des amis. La saison aussi contribuait à égayer leur établissement. On était au commencement de septembre, le temps était beau et serein, ce qui n'est pas indifférent. Un beau jour, un ciel pur et sans nuages répandent un charme de plus sur les objets qu'on voit pour la première fois. On reçoit d'abord une impression favorable qui ne s'efface plus dans la suite. La situation de la maison était charmante. Des collines s'élevaient immédiatement derrière et la garantissaient du vent du nord. Des deux côtés s'étendaient des plaines, les unes ouvertes et cultivées, d'autres boisées. Le beau village de Barton était situé sur une de ces collines et faisait une vue très agréable des fenêtres de la maison. Au devant, elle était plus étendue et commandait la vallée entière et même la contrée adjacente. Les collines rapprochées de la chaumière terminaient le vallon dans cette direction. Mais sous un autre nom, il s'étendait au-delà et se laissait apercevoir entre les deux pentes des collines les plus escarpées, ce qui formait en face de la chaumière un point de vue enchanteur. Madame Dashwood fut d'abord très satisfaite de la maison sous tous les rapports. Ce qui manquait même à quelqu'un accoutumé à plus de grandeur et d'élégance était pour elle une source de jouissance. Un de ses plus grands plaisirs était d'augmenter et d'embellir ses demeures. Comme dans ce moment elle venait de vendre son équipage et quelques meubles de trop, elle avait de l'argent tout prêt pour suppléer à ce qui pouvait manquer aux appartements. « Pour la maison elle-même, disait-elle, il est sûr qu'elle est trop petite pour notre famille. Mais nous tâcherons de nous y arranger pour le moment. La saison est trop avancée pour rien entreprendre. Mais si j'ai assez d'argent au printemps, et j'ose répondre que j'en aurai, nous pourrons leur penser à bâtir. » Ces chambres ne sont ni l'une ni l'autre assez grandes pour y rassembler tous les amis qui viendront chez moi, comme je l'espère. Mais j'ai dans l'esprit de réunir ce passage, et même une partie de l'une des chambres avec l'autre, pour avoir un joli salon. Le reste servira d'antichambre en ajoutant une aile à la maison. On aurait de plus dans le bas un petit salon, lorsqu'on n'est qu'en famille. Au-dessus, une chambre à coucher, une de domestique dans la mansarde, et nous aurons alors une charmante petite maison. Il serait à souhaiter aussi que l'escalier fût plus beau, mais on ne peut pas tout avoir, quoique je suppose qu'il ne serait pas difficile de l'élargir. Enfin, nous verrons ce que j'aurai devant moi au printemps, et je m'arrangerai en conséquence pour mon plan. En attendant que ces réparations puissent se faire, sur un revenu de 500 pièces par une femme qui n'avait jamais économisé une de sa vie, elles furent assez sages pour se contenter de la maison telle qu'elle était. Elinor laissa sa mère s'amuser de ses projets, et sans la contredire, se promit bien qu'ils ne seraient pas exécutés. Chacune d'elles se mit à s'arranger de son mieux, leurs livres et leurs jolis meubles furent placés de la manière la plus commode pour en jouir à chaque instant. Le bon piano de Maria dans la chambre de réunion prit le nom de salon, et les beaux dessins d'Elinor en ornèrent les murs recouverts d'un simple papier uni avec une jolie bordure. Elles étaient au milieu de cette occupation lorsqu'elles furent interrompues par la visite du propriétaire, Sir George Middleton, qui venait leur souhaiter la bienvenue et leur offrir tout ce qui pourrait leur être utile dans les premiers moments. Tout ce qu'il y avait dans sa maison et dans ses jardins était à leur service. Il connaissait déjà Madame Dashwood, lui ayant précédemment fait une visite à Stanhill, mais il y avait trop longtemps pour que ses jeunes cousines pussent se rappeler de lui. C'était un homme d'environ 40 ans, d'une belle et bonne figure. La joie et la santé respiraient sur sa physionomie. Sa manière franche et amicale ressemblait au style de ses lettres. L'arrivée de ses parents paraissait lui causer la plus grande satisfaction, et leur félicité lui donnait une réelle sollicitude. Il exprima avec une extrême cordialité son désir de vivre ensemble en bons voisins, amis et parents, et les pressa si instamment de venir dîner tous les jours chez lui jusqu'à ce que leur établissement fût formé, que quoiqu'il insistât un peu au-delà de la politesse, elles ne purent en être offensées ni s'y refuser. Sa bonté n'était pas seulement en paroles, car une heure après les avoir laissées, elles reçurent un panier plein de beaux fruits et de bons légumes, lequel fut suivi avant la fin du jour d'un présent de gibier. Il insista aussi pour faire chercher ou envoyer leurs lettres à la poste avec les siennes, et leur faire passer chaque jour les papiers nouvelles. Lady Middleton avait envoyé par son mari un message fort poli. Son intention, disait-elle, était de les voir dès qu'elle serait sûre de ne pas les embarrasser. Et comme la réponse tout aussi polie témoignait l'impatience de faire sa connaissance, Milady fit son introduction à Barton Chaumière le jour suivant. Madame Dashwood et ses filles avaient en effet assez de curiosité de voir une personne qui aurait autant d'influence sur leur agrément journalier, et la première apparence leur fut on ne peut plus favorable. Lady Middleton n'avait que 26 ou 27 ans. Elle était belle, ses traits réguliers, et sa figure gracieuse, sa taille élégante et élancée. Et son maintien plein de grâce prévenait d'abord extrêmement. Elle avait toute la mesure et l'élégance dont Sir George était dépourvu, mais on regrettait bientôt qu'elle n'eût pas un peu de sa franchise. Sa visite fut assez longue pour diminuer peu à peu l'admiration que son premier abord avait excitée. Elle était sans doute parfaitement bien élevée, mais froide, réservée, sans aucun mouvement, et sa conversation, en très bons termes et très soignée, était aussi très insipide et n'allait pas au-delà des lieux communs. L'entretien cependant se soutint assez bien, grâce au babil non interrompu de Sir George et aux soins que Lady Middleton avait eu d'amener son fils aîné, un beau petit garçon de 6 ans qui, dans un pareil cas, est un sujet inépuisable lorsqu'on n'en a pas d'autre à traiter. On s'informe de son âge, de son nom, on admire sa beauté, on le trouve grand ou petit pour son âge, on lui fait des questions auxquelles sa mère répond pour lui, pendant que l'enfant penché sur elle chiffonne sa robe, baisse sa tête et ne dit mot, à la grande surprise de sa maman, qui s'étonne de sa timidité en compagnie et raconte comme il est bruyant à la maison et toutes ses gentillesses. Dans les visites de cérémonie, un enfant devrait être de la partie, comme une provision de discours. Dans celle-ci, 10 minutes au moins furent employées à déterminer si le petit ressemblait à son père ou à sa mère, en quoi il leur ressemblait. Chacun était d'un avis différent, ce qui anima encore l'entretien. Elles eurent bientôt l'occasion de discuter sur les autres enfants, Milady en avait 4, et Sir George ne voulut pas partir sans avoir leur promesse positive de dîner au parc le lendemain.